Je dois reconnaître que Fontaine a eu une bonne intuition en se lançant dans le commerce des plasmides. Mais les ventes n'ont jamais été son fort. Il ne faut pas cacher le talent de ces fillettes. J'ai vu les premiers modèles des nouvelles machines à plasmides. C'est exactement ce que je voulais. Et je vous l'affirme, présentées correctement, ces petites sœurs sont une véritable mine d'or. Aurais-je fait des erreurs? On ne bâtit pas une ville si l'on est guidé par le doute. Mais peut-on gouverner dans une absolue certitude? Je sais que mes convictions m'ont élevé. Tout comme je sais que ce que j'ai rejeté aurait pu me détruire. Mais la ville s'écroule sous mes yeux. Ma foi m'aurait-elle aveuglé au point de ne plus voir la vérité? C'est possible. Mais Atlas est là. Il a l'intention de me tuer et de détruire ma ville. M'interroger, ce serait me rendre. Aussi ne me poserai-je aucune question. Par Neptune, les bottes des protecteurs doivent être livrées ici, pas à la bibliothèque. Quelle sorte de crétin Ryan a-t-il engagé pour ce travail ? Ce genre de choses n'arrivait jamais avec Fontaine. Ryan a fait livrer des munitions supplémentaires. Il doit s'attendre à des ennuis. Je les ai mises sous clé près du laboratoire des protecteurs. Le code est 1921. Mais je ne crois pas que nous en aurons besoin. Quand un protecteur est prêt, rien ne peut plus l'arrêter. Fontaine est mort. C'est mauvais pour Fontaine, mais bon pour Su Chang. Si je me fais désirer, Monsieur Ryan sera impatient de me voir. Tenenbaum n'est plus là, Fontaine non plus. Su Chang est le seul qui connaisse les petites sœurs. Comme je dis, c'est bon pour Su Chang. Fontaine est un salopard doublé d'un monstre. Et Ryan est un salopard doublé d'un requin. On ne peut pas réutiliser une armure de protecteur. Il faut greffer la peau et les organes du sujet directement dans l'armure, sinon ça ne marche pas. Ryan dit que les protecteurs coûtent trop cher. Ryan peut aller se faire foutre. La guerre est une chose terrible. Les Japonais ont massacré tous les habitants de ma ville. Mais pas Souchong. Souchong avait de l'opium premier choix. Cette guerre aussi est terrible. Mais pas pour Souchong. Tout le monde a peur et a besoin d'Adam. Les petites sœurs n'en fournissent pas assez. Mais la guerre fait beaucoup de morts. Souchong s'est recyclé là-dedans des cadavres. Mais il ne peut pas laisser les petites sœurs sans protection. Souchong doit réfléchir. Le protecteur sent vraiment très, très mauvais. Je pourrais essayer de trouver une solution, mais les petites sœurs aiment bien cette odeur. Il faut maintenant trouver des recrues. Quand on devient protecteur, il n'y a pas de retour possible. Ryan dit que je ne dois pas m'inquiéter pour les recrues. Sir Ryan. Quel brave type. Je sais pourquoi il faut des enfants. Mais pourquoi seulement des filles? Je ne peux l'expliquer, mais c'est ainsi. Fontaine dit que ça nous évitera d'installer des toilettes en plus dans l'orphelinat. Les effets de la dent sur eux sont fascinants. Leurs cellules sont remplacées par de nouvelles souches à l'instant même où elles sont endommagées. Ces enfants sont quasi invulnérables. Ah, si nous pouvions faire la même chose avec un adulte, il y aurait un gros marché pour un homme invulnérable. Je vous ai bien roulé avec le coup de ma femme et de mon fils. Oh, pauvre Moira. Oh, mon petit Patrick chéri. Un jour, je fonderai peut-être une vraie famille. Ça marche vraiment bien avec les pigeons. Je me souviens du jour où je vous ai mis dans ce sous-marin avec la moche. Vous aviez à peine 2 ans, ouais. Vous étiez mon atout majeur. Mais aussi ce qui se rapprochait le plus d'un fils pour moi. C'est ce qui fait le plus mal. La trahison. La vie ne se résume pas qu'aux affaires. Vous n'avez pas les bonnes cartes en main. Vous êtes trop modifié pour vous en rendre compte. Retournez dans les jupes de Merpoul, sinon ça va chauffer pour vous. Vous n'avez pas les bonnes cartes en main. Vous êtes trop modifié pour vous en rendre compte. Retournez dans les jupes de Merpoul, sinon ça va chauffer pour vous. Ce crétin est albatros. Il ne devrait même pas pouvoir marcher. C'est votre dernière chance. Si vous arrêtez, je vous laisserai ce dépotoir. À vous et à votre amie allemande. Sinon... Rapture finira en aquarium. Bon, très bien. Vous cherchez la bagarre. Vous l'aurez. Mais je possède tout l'Adam de cette ville, mon cher. Or, il se trouve justement que j'ai envie de m'en servir. Oh, j'avais la tête ailleurs. Je n'ai jamais rien pris depuis que je suis dans cet aquarium. Je pensais qu'il ne fallait pas mélanger les affaires et le plaisir, mais... Oh, je perdais mon temps avec la coco et le dissolvant. Ce truc, c'est de la dynamite. C'est peut-être une dose énorme pour les travailleurs et les gratte-papiers, mais j'en veux encore. Encore! J'en veux, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à s'injecter. À votre place, je prendrai mes jambes à mon cou. Vous ne trouverez ici que des larmes. Nous y voilà. La route fut longue. Si longue que vous en avez oublié la moitié. Quand je vous ai mis dans un sous-marin, vous n'étiez pas plus haut que 3 pommes. Vous savez, vous devriez me remercier. Je vous ai fait venir ici. Je vous ai montré qui vous étiez. Ils vous ont tous menti. Jusqu'à ce que j'intervienne. Je regrette que nous en arrivions à de telles extrémités. Nous aurions pu régner tous deux en maître. Mais il ne vous reste plus qu'un immense néant glacial. Regardez autour de vous. Croyez-vous que les héros de pacotille ont un rôle à jouer ici? Vous contemplez les fragments pitoyables du rêve brisé de Ryan? Vous pensez que quelque chose mérite d'être sauvé ici? Alors vous méritez de gargouiller avec ces idiots! Je vois que Merpoul vous a mis le grappin dessus. Vous pouvez attaquer Ryan tant qu'il vous plaira. Ce vieux filou avait raison sur un point. Vous ne pouvez pas marcher sans que quelqu'un vous en donne l'ordre. Vous croyez que vous allez vous en sortir en vous transformant en petit soldat de plomb? La poche fait passer des auditions pour le défilé des monstres et vous êtes le premier dans la file d'attente. Rapture m'appartient désormais, tout comme la dent. Vous croyez que vous allez m'impressionner avec cette enveloppe de métal? Où irez-vous? Recommencez votre vie. Retrouvez votre famille. Tout cela n'est qu'illusion. Ce n'est pas plus réel que ce qu'ils impriment dans le journal. Pauvre monstre orphelin, plongé jusqu'au cou dans une expérience scientifique qui ne tient pas debout. Vous m'avez poussé à bout. Quand votre cadavre sera froid et rigide, j'irai chez Merpoule pour démolir sa maison brique par brique et exterminer ses morveuses. Considérez cela comme votre héritage. Regardez autour de vous. Il n'y a rien à sauver. Rapture n'est qu'un mausolée. Vous n'êtes qu'un fantôme, comme votre amie allemande. Vous finirez par le comprendre. Ce n'est qu'une question de temps. Bon, j'entends la douce mélodie du synthétiseur vocal et j'imagine que tu dois empester ces horribles phéromones. Quand tu auras trouvé les bottes de protecteur, tu seras fin prêt. Tu vois le système de contrôle d'armure? Serkut, prends-le. C'est la première étape de ta transformation en l'un de ces ignobles protecteurs. Le seul moyen de franchir la porte par laquelle Fontaine s'est enfuie, c'est de la faire ouvrir par une petite heure. Elles ne te feront confiance que lorsque tu auras l'apparence, l'odeur et la voix d'une de ces brutes immondes. Les bottes! J'étais sûre que les bottes étaient ici! Scheiße! Qu'est-ce que tu attends? Va cueillir cet idiot! Tu dois utiliser l'aiguille de la petite sœur pour prendre son Adam à Fontaine. C'est le seul moyen de le vaincre. Good, good. Now you must go to the autopsy room and inject yourself. Nous avons appris aux petites sœurs à mémoriser certaines odeurs, les phéromones. Mais ça ne marche pas comme de l'aftershave. Il faut 3 applications industrielles de cette substance. Ensuite, les petites sœurs seront attirées par toi comme une abeille par le miel. Tu dois trouver 3 phéromones pour empester autant qu'un protecteur. C'est ici que tu trouveras le synthétiseur vocal pour avoir la même voix que les protecteurs. Quelle créature repoussante! Depuis que Ryan a pris le contrôle, c'est là qu'ils construisent leurs horribles golems dignes de Frankenstein. Trouve les éléments de l'armure. Guide les petites sœurs. Non. Always trying the simple way, but it is not so simple, is it? The Big Daddy, the suit is... it's fused. Once you become Big Daddy, you are always Big Daddy. So... Je me réjouis de ne pas être près de toi et de toute cette puanteur. Pourquoi les petites sœurs sont-elles attirées par l'odeur de ces phéromones? Voilà qui échappe totalement à ma compréhension. Il vaut mieux que les petites soient avec toi, plutôt que toutes seules, isolées, dans les ténèbres rampantes. Et s'il te plaît, je te supplie d'être très gentille avec les fillettes. J'y tiens beaucoup, mes petites chéries. Tu as fait preuve de bonté envers mes petites protégées. Mais es-tu vraiment notre amie? En tout cas, une petite sœur te fait un cadeau en gage de reconnaissance. Tu as apporté la lumière dans les ténèbres. Tu as sauvé les petites sœurs quand tu aurais pu déchaîner ta cruauté. Je t'envoie quelque chose en guise de remerciement. Les petites sœurs n'ont jamais eu personne vers qui se tourner, excepté moi, mais je ne suis rien. Toi, tu leur redonnes espoir et je t'en suis reconnaissante. Je t'envoie quelque chose pour te remercier. J'ai vu tant de choses atroces et j'en ai fait de bien plus terribles encore. Merci de me rappeler qu'il reste encore un peu de lumière dans ce monde. Je t'envoie une petite sœur pour t'aider en chemin. L'Adam a amélioré tous les aspects de l'homme, pas son caractère. Il existe peut-être un plasmide qui développe l'esprit. Le secret est peut-être enfoui dans ton ADN. Je t'envoie une petite sœur avec de quoi soulager ton fardeau. Que puis-je vraiment faire pour ces gamines? Je suis souillée par le péché. Mais toi, toi, tu leur offriras peut-être un avenir que je ne saurais même pas imaginer. Une petite sœur vient te retrouver avec un cadeau. Bonne chance. Seule une petite sœur peut ouvrir ces portes. Tu dois les protéger. Fontaine n'est pas loin. Tu touches au but. Prends garde! Si elle récolte de la dent, cela attirera à coup sûr l'attention des gros hommes. Ouvre bien l'œil pour repérer les chromosomes. Vite! En récoltant la dent, tu vas attirer l'attention des chromosomes. Attention! D'autres chromosomes vont certainement arriver. Elle s'arrête encore? D'autres chromosomes vont certainement t'attaquer. Une autre dans une manche à air, mais en perdre une seule, c'est déjà un péché. Tu dois maintenant trouver une manche à air pour appeler une petite sœur. Les petites sœurs t'ont préparé un cadeau pour te remercier de votre gentillesse. Tu le trouveras dans n'importe quel jardin des glaneuses. Les petites sœurs te mèneront à Fontaine, mais tu dois les protéger. Trouve une manche à air et appelle une autre petite sœur. Tu dois les attirer hors de leur cachette pour qu'elles t'ouvrent la porte. Allez, vas-y, frappe sur l'aération avec ta clé anglaise. Eh bien quoi, vas-y, frappe sur l'aération avec ta clé anglaise, schnell. So many helmets here. So many little ones to protect. Qu'est-ce que tu attends? Plante-lui l'aiguille! Allez! Maintenant! Plante-lui l'aiguille! Ah! On oublie les bottes. Contente-toi de trouver une armure et un casque. Tu dois protéger les petites sœurs. Elles n'ont plus d'Adam dans le corps et sont aussi vulnérables que les autres enfants. Scheiße, tu l'as laissé filer. Laisse-moi réfléchir un instant. Ja, bien sûr. Ce ne sera pas un problème. Trouve un protecteur et fouille-le. Trouve-en un mort, de préférence. Tu en as suffisamment désormais. Vas, que font ces bottes ici? Elles devraient être dans le service des escortes blindées de sécurité. Bah, peu importe, prends-les. Et voilà le travail. À présent, tu es exactement comme ces... Oh, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous... Bon, maintenant, les bottes. Bien, Maintenant, il faut trouver des phéromones pour modifier ton odeur. Et tu dois aussi mettre la main sur ses bottes. Écoute, maintenant nous devons modifier ta voix et te dénicher une paire de bottes. Formidable, il ne te manque plus qu'un casque. Des bottes et une armure. Retourne dans le service des escortes blindées de sécurité et trouve un casque. Il n'y a pas de temps à perdre, schnell! T'assiste, Coot? Nous allons faire de toi un monstre parfaitement ignoble. Avec un casque et une paire de bottes, nous serons fin prêts. Quelle allure! Je crois que nous allons faire de toi un vrai protecteur. Il ne manque plus que les phéromones. Va voir au centre pédagogique des petites merveilles. Ça commence à prendre forme. Maintenant, il nous faut des phéromones et un synthétiseur vocal. Allons-y! Nous avons du pain sur la planche. Eh bien, je crois que nous allons faire de toi un vrai protecteur. Il ne manque plus qu'une armure. Va voir dans le service des escortes blindées de sécurité. Nous avons franchi une étape, il en reste deux. Maintenant, tu n'as plus qu'à trouver l'armure et les phéromones dans les autres laboratoires. Eh bien, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Une invitation sur papier glacé? C'est un bon début. Il ne te reste plus qu'à trouver l'armure et le synthétiseur vocal dans les autres laboratoires pour devenir une vraie brute. Vas-y. Eh bien, il ne nous manque plus qu'une armure. Des bottes et un casque. Tu dois retourner au service des escortes blindées de sécurité pour trouver une armure. Il n'y a pas de temps à perdre, schnell! Oui, c'est un bon début. Maintenant, tu dois trouver un torse de protecteur et une paire de bottes. Oh, tu fais un raffut de tous les diables, mais c'est un début. Maintenant, tu as besoin d'une armure et d'un casque. Incroyable! Je crois que nous allons faire de toi un vrai protecteur. Il ne manque plus qu'un synthétiseur vocal. Tu peux en trouver un dans le service d'eugénique optimisé. Et où tu vas comme ça? Tu dois devenir un protecteur pour faire sortir les petites sœurs. Oui, voilà un très beau protecteur. Tu es prêt? Maintenant, dirige-toi vers l'aération près du terrain d'essai pour appeler une petite sœur. Let us hope the boots are here. Oh, regarde-les. Elles sont physiquement libérées du besoin de glaner, mais le conditionnement mental de Souchong les pousse à poursuivre leur horrible besogne. Nous ne pourrons jamais expier de tels péchés. C'est ici que tu trouveras une armure. Fontaine t'attend maintenant, ça y est, c'est le point de non-retour. Prépare-toi bien avant de poursuivre ton périple. Vous n'avez pas les bonnes cartes en main. Vous êtes trop modifiés pour vous en rendre compte. Retournez dans les jupes de Merpoul, sinon ça va chauffer pour vous. Ce crétin est Abétros. Il ne devrait même pas pouvoir marcher. C'est votre dernière chance. Si vous arrêtez, je vous laisserai ce dépotoir. À vous et à votre amie allemande. Sinon, Rapture finira en aquarium. Allez, venez. On passe aux choses sérieuses. Vous ne faites pas le poids. Hey, vous êtes cuit. C'est fini pour vous, vous m'entendez? Allez, du nerf. Si vous commencez un geste, allez jusqu'au bout. La dent coule à flot dans mes veines. Vous croyez être puissant? C'est le combat d'une ampoule contre une centrale électrique. Vous pensez être le plus fort? Savez-vous au moins qui vous a créé depuis le départ? Quand j'en aurai fini avec vous, Je m'occuperai de Merpoule et de sa courée. Let's go! This way! Attrapez-le! Allez, allez! Pitié, papa Souchong! Je veux pas monter sur la table! Tiens! Prends ça! Enfonce ça dans le méchant monsieur! Qu'est-ce que tu attends? Ramasse l'aiguille! Attrape-le, monsieur P! Fais-lui mal, monsieur P! Fais-lui mal! Tue-le! Tue-le! Miss Tenenbaum! Miss Tenenbaum! Tic-tac, fais l'horloge. Jeannot Lapin n'a plus le temps. They offered you everything, yes. And in return, you gave them what I have come to expect of you. Brutality. You took what you wanted. All the Adam, all the power. And the Rapture trembled. But in the end, even the Rapture was not enough for you. Your father was terrified the world would try to steal the secrets of his city. But not you. For now you have stolen the terrible secrets of the world. Elles t'ont tout donné, n'est-ce pas? Et en retour, tu leur as offert ce que tu as toujours donné. La brutalité. Tu as eu ce que tu voulais. Tout là-dedans, tout le pouvoir. Et Rapture a tremblé. Mais au bout du compte, Rapture, ça ne te suffisait pas. Ton père était terrifié à l'idée que le monde puisse découvrir les secrets de cette ville. Mais pas toi, car toi, tu t'es approprié les plus terribles secrets du monde. Elles t'ont offert la ville et toi, tu as refusé. Et qu'est-ce que tu as fait à la place? Ce que tu as toujours fait. Tu les as sauvés. Tu leur as donné la seule chose qu'on leur avait volée. Une chance d'apprendre, de trouver l'amour, de vivre. Et quelle a été ta récompense? À aucun moment tu ne l'as dit, mais je crois le savoir. Tu as gagné une famille.